Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « La vieillesse, ce joyeux naufrage », une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a une tendresse pour le grand âge et ses corps émouvants et parfois effrayants qui nous tendent un miroir. Il y a la vie qui continue, des souvenirs qui prennent toute la place, des horizons rétrécis, la peur, mais aussi la liberté et un fatalisme teinté d'humour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a autant de façons d'être vieux que de vieillards. Alors pour commencer, les personnages. Un homme à sa place, un sociologue, une vieille actrice, un homme couvé, un autre qui ne veut pas vieillir seul et une femme qui chante. Ensuite, le décor. Des vacances forcées, des corps fragiles, des appartements silencieux, des marches à pied, un parc et une chorale. Aujourd'hui, deuxième épisode, encore une journée devant soi. Les atteintes de l'âge, oui. Je ne veux pas faire l'autruche, mais c'est vrai, si j'arrive à 80 ans ou plus, comment puis-je envisager ma vie? Est-ce que je vais me retrouver dans, me choisir une maison de retraite ou essayer de prolonger ou, un peu par désespoir, me trouver une compagne de fin de vie? Mais là, ça serait assez désespéré. C'est pas tellement mon style. Je pense que je ferais plus les yeux grands ouverts, je ferais plus face à la dégradation, à la mort. Mais peut-être qu'à un moment, je serais obligé, malgré moi. Ni mon cerveau, ni mon corps ne me permettront d'aller plus loin. Ça va venir, et maintenant ça approche. Alors la grande surprise, c'est quand et sous quelle forme? La vieillesse, l'âge des possibles. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. In the palm of my two hands, hold each other. That feels different from when your hands are in mine. Ma chérie, cafouille, cafouille. C'est un peu égalité. Je parle trop peut-être. Est-ce que vous avez eu envie, depuis que vous êtes à la retraite, alors peut-être pas dans les mois qui ont suivi, parce que j'ai compris que vous étiez content dans les mois qui ont suivi la retraite, d'être à la retraite, mais est-ce que vous avez eu envie de retrouver un rôle social, ce rôle qu'on a en travaillant? Mais moi, je suis très content comme je suis. Mon rôle social, je l'ai parce que j'ai Arnold, c'est mon fils. Gilbert Innocer. Je crois que déjà, ça suffit. Hein, ça suffit comme rôle social. Hein, ça suffit. Mais vous avez pensé à retravailler? Au début, j'ai pris ma retraite. Et puis, à l'époque, c'était interdit. J'ai voulu retravailler. Et puis, alors, on m'a dit que c'était absolument interdit parce que si on travaillait, je pouvais ma retraite. Et maintenant, les nouvelles lois, mais c'est assez récent. Les retraités doivent travailler, mais c'est quand même pas trop tard, c'est trop tard. Quand j'avais 60 ans que j'ai pris ma retraite, j'avais envie de faire quelque chose. Hein. Et c'était interdit. Et maintenant que c'est permis, j'en ai 79, donc vous savez, j'ai un rythme de vie quand même qui me convient parfaitement. Hein. Je ne reste pas couché le matin. Quand je vais au club, je me lève à 6h30 le matin parce que je m'occupe de ce qu'il y a à faire ici, puis après je vais au club. Quand là, aujourd'hui, je me suis levé à 8 heures parce que j'avais le temps, parce que vous n'arriviez qu'à 11 heures. D'accord. Mais moi, j'ai une vie qui est organisée d'une certaine façon, que comme je ne m'ennuie pas, je ne vois pas ce que je ferais d'autre que travailler. Travailler pourquoi? Je laisse. Alors déjà, vous trouvez qu'il y a tellement de chômage en France, alors vous voudriez que les retraités prennent la place de gens qui ont besoin de travailler? Vous pensez ça, vous? Non. C'était la valse des vacances, celle qui a fait battre nos cœurs. Je voudrais que tout recommence pour retrouver notre bonheur. C'était un piano mécanique qui le matin nous réveillait. Tout avait l'air si romantique. êtes sociologue et spécialiste du vieillissement de la population française. On pourrait dire cela comme ça, ou comment notre société comprend, s'adapte ou ne s'adapte pas à cette, pour appeler une révolution démographique, une transformation sociale absolument majeure qui est liée tout simplement à l'allongement de la vie. D'ailleurs, souvent, je préfère parler de société de la longévité plutôt que société du vieillissement, parce que le vieillissement, on a toujours l'impression que ce sont les autres. La longévité, on s'intègre de manière très positive au sein de cette dynamique. Je vais vous demander quelques chiffres. Que représentent en pourcentage les personnes âgées par rapport à toute la population française maintenant? Alors, et à partir de quand vous incluez quelqu'un dans le groupe des personnes âgées? À partir de quel âge? C'est toute la question, c'est à quel moment est-on une personne âgée? D'ailleurs, c'est pas soi. On ne décide pas soi, c'est finalement le regard des autres qui vous conduit à être une personne âgée. Par exemple, dans l'entreprise, on est un senior dès 45 ans. Donc certains de nos auditeurs, dans la seconde même, vont tomber de leur chaise en disant « Mais je suis donc un vieux !» Voilà. Et donc depuis 2010, en plus, ça a été officialisé. Donc, évidemment, donc on vous fait un procès en vieillissement précoce extrêmement tôt. Et voilà, et l'entreprise, de ce côté-là, a tendance à mettre dehors les plus âgés extrêmement vite. Dans la société en général, on est âgé à partir de, on va dire, 60 ans. Pour la sécurité sociale, la barrière, c'est 60 ans. Dans la tête des personnes, ça serait plutôt 75 ans. Et on est vraiment en situation de vieillissement, qui est une dynamique, qui n'est pas un état, qui est une dynamique, je dirais, après 85 ans. Donc vous voyez, selon l'endroit où je me place, l'âge n'est pas le même. Ce qui prouve bien d'ailleurs que c'est bien plus un construit social qu'une réalité scientifique, biologique ou autre. Et donc moi, ce qui m'intéresse justement, c'est ce rapport avec ce construit social. Alors si je prends par exemple les plus de 60 ans, dans le monde comme ça accepté, normatif, on va dire, on est une personne âgée à partir de 60 ans. Pour la sécurité sociale, encore une fois, c'est l'âge à partir duquel ça commence. Aujourd'hui, il y a à peu près 25% de la population française qui a plus de 60 ans. Et depuis la fin 2015, pour la première fois dans l'histoire de France, les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 ans. Et si je me projette à 2050, le nombre de plus de 60 ans, ça sera plus de 35%. Donc voilà, si on veut avoir simplement trois chiffres de cette manière-là pour montrer cette dynamique. Je ne veux pas être en décalage ni avec mon âge, ni avec les rôles que je joue, ni avec ce qui se passe dans mon vie intérieure. Donc le cinéma, d'une certaine façon, révèle tout ça, aussi bien aux spectateurs que souvent à moi-même. Charlotte Rampling, 2001. Je voudrais qu'on m'accompagne dans ce voyage, justement. Je voudrais que les femmes aussi comprennent que nous sommes dans la même difficulté. Je parle des femmes, là, l'homme, évidemment, il a tout le monde a peur vis-à-vis de l'âge, peut-être les femmes plus que les hommes. Et c'est un partage que je voudrais faire avec les femmes, ça. Allez, venez avec moi, c'est pas la peine de nous cacher. Évidemment, on peut s'aider un petit peu avec les petits trucs qu'on peut faire. Mais au fond de soi, c'est un voyage qui nous approche vers la mort, qui est évidemment pas si joyeuse que ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses, à part les rides, qui sont beaucoup mieux que la jeunesse. Vous êtes née en quelle année? En 1925. 25 janvier 1925. Et où? À Paris. Et ce qui est curieux, c'est que mes parents sont nés tous les deux à Paris. C'est rare les vrais Parisiens. Et vous avez grandi à Paris? J'ai été à Paris tout le temps, sauf pendant la guerre. Bon, j'ai commencé des études de licence d'anglais à la faculté. Et puis, il y a eu les lois, tu veux. Alors, comme on ne pouvait plus entrer, je pouvais plus faire d'études, on pouvait plus entrer dans un square, on ne pouvait plus aller dans une bibliothèque. On allait dans les magasins à des moments voulus, dernier. Enfin, ça devenait, on nous avait pris le téléphone, la voiture et tout. L'appartement. Alors, nous sommes partis. mais pas ensemble. Mes parents sont partis après moi, mais très facilement. Mais moi, j'ai eu une véritable aventure pour passer, alors que j'avais 17 ans, mais moi, j'étais à la faculté jusqu'à ce que les Allemands, qui avaient envahi la zone sud, ils ont envahi l'université de Strasbourg-Clermont-Ferrand. Et on a commencé par rester les bras en l'air, les pieds dans la neige, entourés par des mitraillettes. On avait décidé que s'ils tiraient dans le tas, on se mettait à chanter la Marseillaise. Vous savez, quand on est en groupe, on a peur de rien. On a peur individuellement quand on parle. Je me suis dit, ah, s'ils voient les registres, alors là. Et puis, alors après ça, on nous avait passé un à un devant un Allemand. Et ils arrêtaient tout. Les Alsaciens, puisque pour eux, c'était des déserteurs, ils arrêtaient les Alsaciens, les Juifs et les résistants. Et il y avait des Français qui aidaient les Allemands. Enfin, c'était tout de même assez spécial, voilà. Bah, tout ça, j'ai fait des insistes. Et je ne sais plus de quoi je parlais avant. Et quand vous avez pris votre retraite, oui. Vous étiez alors contente ça, que oui, ça s'arrête, là, le travail? Ah, bah, j'ai chanté, fait des non, tas de... Mais est-ce que vous étiez contente d'arrêter de travailler? Ah oui. D'ailleurs, j'ai arrêté. Il faut dire que j'ai eu des tas d'opérations, j'ai eu des tas de choses. J'avais beaucoup plus d'ennuis de santé encore autour de 60 ans que maintenant, enfin... J'ai été ouverte 5 fois de là à là. J'ai commencé par une occlusion intestinale sous bride. Enfin, j'ai eu plein de trucs. Et puis, je n'ai qu'une oreille depuis 35 ans parce que j'ai eu un urinome sur le nerf auditif. J'ai été opérée, trépanée, enfin, tout un machin. mais tout ça, c'est rien. Enfin, c'est... Comment vous vous sentez perçue comme personne âgée, maintenant? Maintenant, ben, je sais pas, tout le monde me dit que je suis un peu un phénomène parce que je fais des tas de choses, je vais voir des expositions, je voyage, je fais partie d'organismes culturels, enfin voilà, je fais beaucoup de choses. Et alors que je marche mal, que j'ai plus de cartilage au genou, que je prends pas le métro parce qu'il y a des escaliers, mais je prends beaucoup d'autobus et des taxis maintenant. J'ai été amener ma voiture à Oulgat, où elle reste maintenant, parce que là-bas, je suis contente de l'avoir, mais je ne fais plus des grands trajets, voilà. Maintenant, malheureusement, je n'ai que des amis qui ont 15 ou 20 ans de moins que moi. Parce que mes amies sont toutes mortes et... C'est... Voilà. Ou bien les... peut-être une ou deux qui restent ne bougent plus de chez elles, ne font plus rien, sont... Je les vois même plus, enfin, c'est fini maintenant. Alors je vais à des cours à la Sorbonne, il y a l'université Interra, je suis déjà depuis 15 ans des cours là-bas. J'ai vu l'exposition Magritte, très très passionnante d'ailleurs, et là aussi j'ai déjeuné entre, et puis fini l'exposition après. Je suis très bien organisée, voilà. Ça me permet de faire des tas de choses. Je soutiens fortement l'idée que les hommes et les femmes qui aujourd'hui s'affrontent à leur vieillissement et à leur vieillesse sont à leur façon un modèle identificatoire précieux pour les jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que on met un peu trop en avant l'adolescent et le jeune adulte comme modèle identificatoire, oui, avec tous les phénomènes autour des maîtrises technologiques, de la sexualité que l'on croit aller de soi pour les jeunes, alors que voilà, on sait très bien que c'est pas si simple que ça de construire sa sexualité. Internet, évidemment, avec tout ce qu'il peut y avoir là de visibilité des jeunes. Très bien, enfin, je remets pas ça en question en soi, loin de là. Mais que celles et ceux qui fonctionnent autrement, parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner comme ça, ou parce que ça n'est plus un choix de vie que d'être performant, compétent, visible, audible partout et par tout le monde, et qui sont dans la capacité contemplative, pas fade du tout, hein, mais contemplative, de pouvoir s'intéresser à des choses qui sont à leur mesure, hein, qui peuvent accepter, ben voilà, que être lent, c'est pas forcément une aberration, hein, que ne plus être intègre, ça n'est pas forcément non plus un défaut, et puis que les idéaux qu'on n'arrive plus à réaliser, c'est pas forcément un échec. Moi, je trouve que ce sont des messages tout à fait précieux pour le vivre ensemble dans notre société. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Pendant 50 ans, j'étais au 7 et je suis venu ici avec ma femme en 2005. Et puis, bon, elle a disparu un an après. Et du coup, je suis resté tout seul ici. Oui. Enfin, je suis très suivi par mes filles. Vous avez quel âge, Jean-Paul Caracalla ? Alors, j'ai 95 ans. Je suis né en 21. Voilà. Et donc, j'ai passé toute mon enfance au Champ de Mars. Ma mère habitait là et nous étions une fratrie de 5. Mon père était mort à 54 ans, en 1927. Ma mère est restée seule à 32 ans avec 5 enfants. C'est vous dire que c'était quand même un peu compliqué, surtout à cette époque, dans les années avant 1930. Hein. Mais sinon, oui, on a eu une enfance, malgré tous ces malheurs, on a eu une enfance heureuse, on riait tous les jours. Ma mère était très gaie, elle s'est mise à travailler alors qu'elle ne travaillait pas. Elle a gagné sa vie, elle a eu une retraite heureuse puisque elle est morte à 101 ans, donc elle a profité beaucoup de sa retraite. Et pendant la vieillesse de votre mère, où vivait-elle ? Alors elle est venue à 20 ans, rue Saint-Dominique, dans un appartement où elle est morte. Elle a vécu 100 ans dans cet appartement. Et nous sommes tous nés dans l'appartement. C'était très drôle parce qu'à cette époque, on n'allait pas dans une clinique. On appelait la sage-femme qui habitait en face, qui arrivait et hop, elle sortait. Et les 5 sont nés là, dans l'appartement du 116 rue Saint-Dominique. Vous trouvez que c'est une chance pour nous tous que l'espérance de vie augmente ? Ben, ça dépend dans quelles conditions. Moi, je sais que, par exemple, il faut savoir s'entretenir. Hein. Vous savez que vous connaissez la fameuse formule de Juvénal, mens sana in corpo sano. Hein. C'est-à-dire, il faut à la fois entretenir son corps et entretenir son esprit. Alors, tant qu'on arrive à faire ça, c'est parfait. On tient le coup. Hein. C'est pour ça qu'on vient à la gym, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on... Ah, vous êtes d'accord. Mais si c'est pour finir, comme certains copains que j'ai, qui ont mon âge d'ailleurs, et qui finissent dans une chaîne roulante, dans une... oui, j'ai même beaucoup plus jeune que moi, là, de mon garçon qui a 4 ans de moins que moi, un très bon camarade qui était architecte, et qui maintenant est dans une maison de retraite, et puis qui est dans une chaise roulante, et puis parce qu'il ne s'est pas entretenu. J'avais inscrit le camp de Jean Beauvais d'ailleurs, il y a 20 ou 30 ans, il est allé 3 fois, puis il dit, oh moi ça m'emmerde, vous savez c'est un peu la phrase de Churchill, no sport, hein. Bon, il avait la même formule, no sport, on ne fait pas de sport, et puis finalement il s'est retrouvé parce qu'il menait la grande vie, il buvait beaucoup, il faisait la fête, et puis au bout d'un moment, il est devenu alcoolique, et puis il a très mal fini. Alors, donc ça dépend comment, dans quelles conditions on vieillit. Hein. Parce que si pour finir grabataire, c'est pas la peine. Hein. Il faut essayer de tenir le coup le plus longtemps possible, mais en pleine forme. Mon but, c'est de faire un bord en bonne santé. C'est un beau but, non ? You all know this song. I recorded this song. Let me see. I think I recorded this song Oh, what had to be about? What year was that? Oh, I'd say about 1948. About 1948, I recorded this song. It was written by Tad Dameron. I was just a little girl. The name of the song is called If You Could See Me Now. Ma vieillesse, elle se déroule très bien, et puis jusqu'au moment où ça craque, quoi. Mais pour l'instant, je continue à faire tout ce que je faisais. Je vais partir pour les vacances en Charente-Maritime. Je me baigne tous les jours, je nage. Enfin, ça va, quoi. Mais est-ce que vous l'imaginiez, votre vieillesse ? Oui. Non, mais je pense que je vais rester comme ça jusqu'au moment où ça se brise. Enfin, ce que j'espère, surtout, c'est de ne pas être à traîner avec une maladie. Mais je pense que Je pense que je mourrai d'un coup plutôt le cœur qui lâchera. Est-ce qu'il y a des tournants dans la vieillesse, des moments où, oui, tout d'un oui, coup... Oui, il y a des tournants, parce qu'il y a des moments où, par exemple, je courais facilement d'avoir des expositions, etc. Et maintenant, c'est plus pénible de rester debout, de piétiner devant des tableaux. Alors, j'aime moins ça. Il paraît que vous avez été aperçu, il y a quelques semaines, dans Paris, courant après un bus. Oui. Oui, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive peut-être moins maintenant, mais c'est vrai que j'ai couru. Une fois, j'ai couru après le 30, la place des Ternes, et quand je suis arrivé, je suis monté, et les gens m'ont applaudi. Ils m'avaient vu courir. Ils ont dit, le vieux, là, il résiste, il court. Let's all get up and let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Sing it again. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Est-ce que Listrève changeait physiquement, ça vous inquiétait? Non, non, c'était normal. Et vieillir était normal et a toujours été normal. Il y a les choses que je pouvais faire et celles que je pouvais plus faire, et puis voilà. Donc ça n'a pas posé de problème pour moi. C'est comme ça. Est-ce que c'est agréable de fréquenter d'autres personnes âgées? Est-ce que vous aimez bien? Ben, j'aimais bien, mais parce que je n'ai plus personne à qui raconter des choses. Quand je lis dans le journal la même dire que je vous ai vu, j'ai personne à qui raconter les choses. Et c'est pas la même chose, les gens d'une autre génération, c'est pas du tout la même chose. Ça me manque beaucoup, mes amis me manquent, voilà. Pourquoi c'est pas la même chose? Ben, ils n'ont pas connu les gens dont je peux leur parler. Je trouve c'est curieux comme la solitude me pèse beaucoup plus maintenant que quand j'étais plus jeune. Parce que après mon divorce, je me suis beaucoup baladée toute seule. Par exemple, pour aller en Irlande, pour visiter l'Irlande, j'ai retenu une voiture à l'aéroport de Dublin et je me suis baladée pendant 15 jours toute seule en couchant dans des bed and breakfast. Vous aviez quel âge? En voyant les gens. À l'époque, je devais avoir, 40 ou 50 ans, quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'était peu fréquent de divorcer lorsque vous avez divorcé? Ah oui, c'était vous avez pas divorcé fréquent, en non. Quelle année? Oh, c'était 55? En 57. 57. Oh, oui. Je m'étais mariée en 49 et j'ai divorcé en 57. Est-ce que votre caractère, Listrève, a changé avec la vieillesse? Je pense que je suis un petit peu plus bienveillante que je n'étais, je pense. Mais je ne suis pas sûre, il faudrait demander. Étant donné que j'ai eu à me prendre en charge très fort, je suis assez autoritaire. Mais je ne fais plus venir de technicien pour mon ordinateur. D'ailleurs, j'ai remplacé l'ordinateur par une tablette, ça me suffit, ça va très bien. J'ai des tas de mails, j'en envoie, j'en reçois. J'ai en particulier une amie aveugle, justement, qui était avec moi dans la chorale. J'ai des amis avec lesquels j'étais à la chorale pendant 30 ans. Et cette chorale n'existe plus. Enfin, elle continue, mais elles sont beaucoup plus jeunes que moi. Mais là, hier, j'ai passé un bon moment avant le concert avec une autre amie qui était à la chorale avant. Hein. Thank you. Est-ce qu'avec l'âge, Jean-Paul Caracalla, votre caractère a changé? Est-ce que c'est sensible pour vous? Est-ce qu'il a changé? Je suis un peu moins tolérant. Parce que j'ai été... Vous savez, j'étais dans les relations publiques, tout ça. Alors, il fallait... digérer un certain nombre de choses. Maintenant, je serai moins tolérant, sûrement. Où travaillez-vous? Lorsque vous travaillez, vous travaillez. Je travaille. J'ai travaillé longtemps chez. Après ma carrière à la compagnie des Wagons-Lits, où je me suis beaucoup plu et où je travaillais 40 ans. Après, j'ai travaillé chez De Noël comme directeur de collection. Et puis, je me suis mis à écrire. Là, j'ai plus tellement envie d'écrire. Alors, on me dit, mais t'as pas un projet, tout ça. Non, je n'ai pas de projet. Mon projet, c'est plutôt de... Bon, c'est le plaisir d'aller voir des expositions quand je peux le faire et que ça ne me fatigue pas trop. Mais sinon, puis la lecture, je lis énormément. Vous prenez vos repas seul ou vous voyez des... Oui, j'ai ma table au Demago. Vous savez, je suis président du jury du prix des Demago. J'ai ma table, presque tous les jours, tous les deux jours, au moins j'invite un ami ou une amie, et je déjeune là. Oui. Je déjeune ici, oui. Je n'ai pas de problème en ce qui concerne à préparer les repas, tout ça. Puis en plus, je n'ai pas un appétit féroce, et puis je fais des choses simples. Donc, alors j'ai mes deux filles qui me surveillent énormément. Il faut que je dise toujours où je vais, ce que je fais. Tous les jours? Oui, tous les jours à 10h, c'est Laurence, et le soir à 5h, c'est Anne-Françoise. Qui téléphone? Tous les jours, oui, au téléphone. Alors, quoi qu'il arrive, je suis surveillé. On me piste. Est-ce que vous, les gens avec lesquels vous déjeunez, ce sont aussi des personnes âgées? Pas forcément, non. Non, non. Pas forcément. Non, en général, ce sont plutôt des gens beaucoup plus jeunes. Faut dire que je ne me vois pas tous les jours à déjeuner avec quelqu'un de 95 ans. Ça m'amuserait peut-être un peu moins. Tandis que là, je vois des jeunes écrivains, il y a Cécile Gilbert, par exemple, que je trouve d'abord très jolie, très intelligente. J'ai le plaisir à l'inviter à déjeuner souvent au Demago, oui. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai déjeuné avec elle, c'était un vendredi, je me souviens. J'étais en pleine forme, tout allait bien. Et le soir, j'étais aux urgences. J'ai eu une bronchopneumonie, un virus. Et c'est très drôle parce que j'étais en pleine forme et d'un seul coup, pouf, ce virus m'a complètement assommé. Le soir, je suis resté une semaine à l'hôpital, c'était pas très grave. Réflexion faite, plus qu'on adepte, j'adopte. Nouvelle retraite, plus que parfaite, la porte. Ça c'est facile, je flâne dans ma ville, je ris, nous sommes en juin. Mais deux, trois facettes, tourne au pire sept, bougeotte. Mon pas n'est pas net, n'est pas net en fait. Benoît Verdon, vous êtes psychologue, psychanalyste, professeur de psychologie clinique et psychopathologie. Ouais. Et vous êtes spécialiste des personnes âgées. C'est rare, Benoît Verdon, des personnes âgées qui n'ont pas été voir de psychanalyste depuis très longtemps, ou peut-être jamais de leur vie, et qui et que l'âge, la vieillesse, le vieillissement... conduisent dans le cabinet d'un psychanalyste? Ouais, je pense que ça a été rare. Il y a une métaphore qui peut parler peut-être aux auditeurs. On la doit au psychanalyste J.B. Pontalis, qui ne parlait pas du vieillissement quand il a utilisé cette métaphore, mais moi je l'ai trouvée extrêmement éclairante pour ma propre réflexion. C'est la métaphore de la ruine. Pontalis, il dit que il y a des ruines qui sont des ruines de destruction qui sont absolument insoutenables. Voilà. C'est des lieux de désolation qui ont été désinvestis, abandonnés, et dans lesquels il n'y a vraiment aucun plaisir à être. Et il dit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des ruines qui ne sont pas comme ça. Il y a des ruines qui sont l'héritage de l'érosion du temps, des bâtisses qui étaient somptueuses à une époque, qui sont plus du tout intègres, et c'est là justement leur noblesse. Elles ne sont plus intègres. Elles sont des signes de ce qui fut, et pourtant elles sont toujours là. Et ça, moi, ça m'a beaucoup parlé quand je suis allé visiter la Villa Adriana à Rome ou Ostia Antica. Voilà. Quand on va en Grèce, puis dans mille et autres lieux du monde, il y a quelque chose de la mémoire de l'humanité qui est absolument... je trouve que c'est une expérience émotionnelle forte. On est dans un environnement qui fut, et qui pourtant est toujours, mais n'est plus comme avant. Vous voyez, on peut déceler ça chez nos patients, chez les femmes et les hommes qui vieillissent, où c'est à certains moments... Ils s'envisagent eux-mêmes comme des ruines dévastées pour lesquelles il n'y a plus rien de bon à vivre. Le nombre de personnes qui peuvent dire comme ça, mais c'est plus de mon âge. Et notamment la chose sexuelle, c'est plus de mon âge. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Ça ne va pas du tout de soi. Et puis vous avez à d'autres moments la possibilité pour ces personnes de reconnaître que ce qu'elles sont aujourd'hui, ça vaut le coup quand même, que ça continue avec des hauts et des bas. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus cet éventuel, qui est de toute façon toujours illusoire, mais cette éventuelle perfection à ses propres yeux, à soi peut-être au moins, ce n'est pas parce que ça n'est plus là que pour autant tout est fini. Francis Carrier, quel âge avez-vous ? Je vais avoir... j'ai 62 ans. Je suis retraité, oui. Je suis entre les deux, on va dire. Je suis en fin d'activité et je suis au début d'une vie qui n'est plus une vie professionnelle, en tout cas. Que faisiez-vous ? J'étais ingénieur en informatique électronique et j'étais chef d'entreprise où j'avais créé une petite entreprise d'études d'opinion. Et on travaillait dans le secteur du climat social, voilà. Vous avez créé une association qui s'appelle Grey Pride. Est-ce que vous pouvez, Francis Carrier, dire pourquoi vous l'avez créée et quel est son but ? Alors, pour vous expliquer pourquoi je l'ai créée, il faut que je vous donne un petit peu quelques éléments de ma vie passée, parce que je suis un ancien militant de la lutte contre le sida dans les années 80 jusqu'en 2002. J'étais aide bénévole et administrateur. Et puis après, j'ai assisté à toutes ces époques qui étaient assez difficiles. Et puis, depuis 4 ou 5 ans, j'ai rejoint les Petits Frères des Pauvres, qui est un autre secteur qui n'a rien à voir, mais qui se préoccupe donc des personnes isolées et donc des personnes âgées isolées, soit en établissement, soit chez elles. Et c'est un peu cette jonction de ces deux aspects qui ont provoqué en moi un questionnement, c'est-à-dire que deviennent les vieux gays, les vieilles lesbiennes, les vieux trans, tous ces gens-là qui ont lutté pour avoir des droits, pour devenir visibles, où sont-ils ? Parce que je n'en voyais pas. Alors j'ai posé la question un peu autour de moi, j'ai posé la question chez les petits frères... chaque fois que je posais une question comme ça, on écarquillait les yeux comme si c'était vraiment une question que personne ne s'était jamais posée. J'ai fait le tour un peu du secteur associatif en France. J'ai vu qu'il y avait quelques tentatives qui avaient été faites sur ce sujet, mais vraiment, je dirais, embryonnaires. J'ai regardé à l'étranger et là, j'ai vu que c'était vraiment un sujet, puisque aux États-Unis, au Canada, mais même en Europe, en Allemagne ou en Angleterre, il y a des actions qui ont été entreprises sur cette population parce que on s'aperçoit que c'est une population qui est dans une plus grande précarité et donc qui pratique par crainte l'auto-exclusion, donc qui disparaît. C'est-à-dire que c'est comme si l'identité de genre ou l'orientation sexuelle étaient des consignes qui s'évaporaient progressivement avec l'âge. Et c'est pas possible, parce que être gay, c'est son histoire, c'est pouvoir dire qui on a aimé, avec qui on a vécu, avec qui jusqu'au bout. Je considère que on est gay jusqu'au dernier jour de notre vie, lorsqu'on est gay ou qu'on est lesbienne ou trans. Enfin, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Voilà, donc c'était un peu une nécessité. Et ce que j'ai dit, c'était aussi un honneur communautaire de créer ça, parce que penser aux plus fragiles d'une communauté, c'est une nécessité. Barcelona, Barcelona. Freud n'était pas très enthousiaste à l'idée du vieillissement. Il a peu écrit dans ses écrits scientifiques sur cette question, notamment parce qu'il soutenait une idée tout à fait audacieuse et qui continue de nous convaincre, hein, c'est que l'inconscient n'est absolument pas organisé selon un temps linéaire, selon une prise en compte de la mort, de la finitude, de l'impuissance, des limites, etc. Donc l'idée que l'inconscient ignore tout ça a sensibilisé Freud à l'écoute de la vie psychique dans tout ce qu'elle peut avoir, ne tenant pas compte de cette réalité-là. Dans un petit texte de 1904, il fait allusion au fait que pour lui, la psychanalyse ne peut pas apporter grand-chose à des gens qui ont dépassé la cinquantaine parce qu'il est convaincu qu'il y a tellement de matériel psychique à analyser et puis peu de temps vraisemblablement accordé à mettre au travail ce qui est potentiellement en souffrance chez les personnes. Et puis une conviction qu'on a nuancée depuis, qui est que les processus psychiques se sont tellement installés que c'est foutu. Voilà, qu'en gros, enfin, en tout cas, ça devient compliqué d'assouplir ce avec quoi la personne s'est construite, même si ce avec quoi elle s'est construite est bancal et source de souffrance. Il n'a pas complètement tort, au sens où on voit bien que des personnes qui viennent voir un psychologue ou un psychanalyste pour une première fois à un âge avancé, voilà, peuvent avoir d'authentiques résistances et des difficultés à bouger. Et en même temps, on a des exemples de la pratique clinique qui nous montrent que ce sont plus des modalités de fonctionnement psychique que l'âge qui est en jeu. Il y a des gens jeunes qui sont déjà très figés dans des modalités de fonctionnement psychique qui sont source de souffrance, et puis il y a des personnes âgées qui sont tout à fait étonnantes en termes de souplesse. Lettre de Freud à Stefan Zweig. Le beau message que vous avez composé de concert avec Thomas Mann et le discours de celui-ci à Vienne ont été les deux événements qui pouvaient me réconcilier avec le fait d'avoir atteint un si grand âge. Je ne puis néanmoins m'habituer aux misères et à la détresse de la vieillesse, et j'envisage avec une sorte de nostalgie le passage au néant. L'association propose quoi, Francis Carrier? Est-ce que c'est seulement vis-à-vis des EHPAD que Non. Donc, pourquoi j'ai créé Grey Pride en disant qu'il y a une nécessité de travailler sur l'isolement de toutes ces personnes hein, qui ne sont pas visibles. Donc, il y a deux aspects, je dirais. Il y a le soutien, c'est-à-dire créer des activités autour du soutien pour accueillir ces personnes, éventuellement se préoccuper de leur santé, de l'habitat. Et puis après, il y a toute une action, je dirais, beaucoup plus militante. Hein, parce que il est nécessaire de faire, pour pouvoir faire émerger des droits, il faut faire émerger une population. Tant qu'on ne voit pas une population, elle n'existe pas, elle n'a pas de revendications, elle n'a pas de besoins. Et donc, il faut faire émerger une visibilité. Et puis après, il faut voir quels sont les besoins spécifiques de cette population. Et là, c'est vraiment un combat militant et politique, mais qui rejoint aussi, bien évidemment, le traitement de la vieillesse dans notre société. C'est indissociable. Je dirais que le monde LGBT a une couche en plus, mais tout le constat que je fais, c'est de voir que la vieillesse aujourd'hui est mise au banc, enfin, à l'écart de la société, et que c'est comme à l'époque de lorsqu'on découvrait, je me rappelle toujours ce douloureux problème quand on annonçait son homosexualité dans les années 60, on va parler de ce douloureux problème, parler de la vieillesse, c'est aujourd'hui la même chose, on va parler de ce douloureux problème, mais personne ne veut en parler, parce que ça nous concerne tous, on sera tous et toutes vieux ou vieilles, mais il y a un déni social qui est évident. C'est le vieux ou la vieille, c'est toujours quelqu'un d'autre, c'est jamais nous. Et même quand on est vieux. C'est un moment de notre vie qui est totalement paradoxal. Et l'autre paradoxe de cette époque de notre vie, c'est qu'il n'y a pas de lieu de militance. C'est-à-dire que les usagers, ce qu'on appelle les usagers, qu'on a fait rentrer les séropositifs, que les malades sont rentrés progressivement dans l'hôpital, mais les vieux, ils ne rentrent pas pour l'instant dans les usagers qui devraient être partie prenante de toutes les décisions qui doivent se prendre. On laisse aujourd'hui les décisions qui orientent vraiment toute l'organisation de cette filière aux politiques, aux sachants, aux financiers de plus en plus, puisqu'il y a une manne énorme sur, dans cette partie du grand âge. Mais les usagers, on ne les entend jamais. Bon, bien sûr, il n'y a pas de manifestation dans les EHPAD, hein, ça se saurait. On est un peu amorti. Mais la responsabilité que l'on a, elle est collective. C'est que moi, quand je vais dans un EHPAD, une maison de retraite, visiter quelqu'un, ou quand je vais dans l'appartement d'une personne, la seule question que je me pose, est-ce que moi, j'aimerais vivre comme cette personne vit ? Si je dis non, eh bien, je suis responsable de changer les choses. La vie exquise. Et puis je me suis dit qu'en vieillissant, il fallait que j'aie une pièce pour loger quelqu'un. Je voulais absolument pas aller dans une maison de retraite. Et j'ai un capital qui me permettra, en vivant sur mon capital, comme je vis déjà d'ailleurs, de loger quelqu'un à domicile et d'être aidé. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai pris cet appartement-ci, mais je l'ai pris... J'avais déjà plus de 70 ans. Et vous avez eu des amis qui étaient en maison de retraite ? Oui. J'avais une amie que j'allais voir. D'ailleurs, j'étais la seule à la fin à aller la voir parce que les gens ne supportaient pas qu'elle... Bon, on l'avait attachée dans son fauteuil roulant avec une écharpe parce que, au bout d'un certain temps, elle me disait, il faut que je vous laisse parce qu'il faut que je prenne le métro pour aller retrouver ma mère. Elle avait 100 ans. Alors au début, je lui rappelais des choses d'autrefois et ça lui rappelait. Puis après ça, c'était complètement autre chose. Mais elle était contente qu'on vienne la voir, puis je promenais son fauteuil roulant un peu, enfin voilà. Et oui, je me suis occupé pas mal de gens âgés quand j'étais plus jeune. Vous aimiez bien ça ou c'était par c'était comme ça par je sais pas, ça me semblait naturel, c'est tout. André Gors, le vieillissement. Il faut accepter d'être fini, d'être ici et nulle part ailleurs. De faire ça et pas autre chose. Maintenant et non jamais, ou toujours. D'avoir cette vie-là seulement. Ça ne va pas de soi de parler de vieillissement psychique, vous voyez. On sait qu'il y a un vieillissement somatique, indéniable. Au plan physiologique, les collègues biologistes, médecins... décrivent des modifications de telle ou telle partie du corps, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans ce qui se donne à voir de façon très ostensible. Voilà. On sait très bien qu'à des rythmes variés, selon les personnes, selon les sexes, selon aussi les conditions de vie, il y a des modifications évidentes du corps. Il y a un vieillissement cognitif qui lui aussi est indéniable. On sait très bien qu'il y a des processus psychiques qui sont endommagés, ralentis par le vieillissement. La mémoire en est un exemple flagrant. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir une maladie d'Alzheimer pour avoir des problèmes de mémoire quand on vieillit. C'est vécu de façon compliquée par les personnes, de plus tout à fait se faire confiance quant à leur mémoire, aisément mobilisable. Voilà. Mais le vieillissement psychique, ça c'est une autre affaire. Est-ce que la pulsion vieillit ? Est-ce que le ça, le surmoi vieillit ? C'est pas du tout garanti. Justement, c'est une organisation psychique tellement complexe, des liens entre cette réalité interne qui se confronte à la réalité externe de ce qui, voilà, de ce qui nous arrive. Il y a eu plusieurs écoles de pensée. Par exemple, certains collègues étaient convaincus qu'il y avait une diminution des pulsions parce qu'on observait, par exemple, un moindre conflit psychique chez des personnes âgées. Oui. Plus de compromis, enfin, ils lâchaient prise. Voilà, c'est disons, ça, voilà. Il y avait par exemple l'idée que les interdits, ça n'organisait plus la vie psychique des adultes qui vieillissaient. Voilà. Et donc, on en a déduit un peu trop vite que s'il n'y avait plus d'interdits, c'est qu'il y avait peut-être plus de désir contre lequel se mobilisait cet interdit. Je pense que c'est valable pour certaines personnes, ce modèle de compréhension, au sens où, en effet, on peut voir des personnes âgées qui sont dans un renoncement qui peut être tout à fait bienvenu, au sens où il n'y a plus comme ça cet idéal de compétence, de performance et de conquête qui demeure l'organisateur du rapport aux autres et à soi-même, et qui peuvent être dans des positions de satisfaction au quotidien, voilà, où cette question d'une liberté intérieure indéniable qui a pu être construite pas à pas, vous voyez. Motorcars and the bus, bicycles for two, broken hearted jubilee, je pense que si, à travers la sexualisation aussi des personnes âgées, puisque moi, quand je parle des vieux, des vieilles, je parle de leur sexualité, de leur tendresse, de leur affectivité, le fait de rentrer par ce biais sur ce sujet permet de réhumaniser tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Quand on vieillit, c'est une succession de pertes que la société organise. Vous arrêtez de travailler, vous perdez d'utilité sociale. Vous commencez à vieillir corporellement, perte de séduction dans le monde dans lequel vous êtes. Et puis, progressivement, vous devenez un mineur. On dessine pour vous. Tu sais bien que tu es en danger chez toi. Tu ne peux pas rester. C'est pour toi qu'on fait ça. Hein. Donc, après mise sous tutelle ou curatelle, s'il n'y a pas les enfants qui le prennent en charge. Et puis, l'étape suivante, c'est devenir un objet de soin, un objet qu'on lave, un objet qu'on lève. Voilà comment aujourd'hui, on progressivement vers quoi on glisse, avec du personnel qui est sous-qualifié, qui est mal payé. On traite les déchets de notre société, parce que les vieux, la vieillesse n'est absolument pas valorisée. C'est Thérèse Claire qui avait fait l'immeuble des... Oui, qui est décédée décédé récemment. Oui, ouais. Elle avait fait sa maison des Baba Yaga, voilà. À Montreuil. Qui n'a pas été, pour ce que j'en ai entendu, sans complications, mais c'était une idée intéressante, parce qu'elle... c'était pas interage, en l'occurrence, là. C'était vraiment une volonté, et puis on retrouve bien la Thérèse Claire, militante, féministe, et prise de liberté. C'était justement que les femmes et les hommes, en l'occurrence, là, c'était des femmes, mais ça pourrait y avoir la même chose avec des hommes, et puis ça pourrait être mixte aussi, sont force de proposition pour leur propre vie. Ils n'attendent pas que les pouvoirs publics décident pour eux, fassent ou ne fassent pas pour eux. Voilà. Et vous avez une association qui mobilise ça de façon tout à fait enthousiasmante, c'est Hold Up, avec qui je suis en contact depuis plusieurs années. Alors, ils ont ce slogan qui est « plus si jeune, pas si vieux », et qui revendiquent eux aussi d'être force de proposition pour les vieux d'aujourd'hui et pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté d'inscription dans la société où ils font des démarches auprès des pouvoirs publics, auprès des sociétés, pour dire que la place des vieux doit absolument être améliorée, et notamment que ça passe par des modifications de certaines infrastructures, comme les fameux escaliers quand on descend dans le métro. Nous, on ne s'en rend peut-être pas compte. Les personnes qui sont handicapées, qui sont sur fauteuil roulant, savent très bien qu'elles ne peuvent pas prendre le métro. Voilà, il n'y a rien qui est fait pour elles. Mais les personnes vieillissantes sont dans cet entre-deux. À la fois, elles ne sont pas forcément sur un fauteuil roulant, elles peuvent prendre le métro, mais c'est au prix d'une aventure dont, justement, Hold Up peut dire qu'il y a bien des endroits où c'est compliqué d'évoluer. Vous voyez, Hold Up a ce positionnement que je trouve très bienvenu. Ils assument pleinement le fait de vieillir. Ils font des groupes entre eux d'échanges sur la mort, sur la maladie, etc. Et en même temps, ils sont partie prenante d'une place dans la société. Moi, encore une fois, je suis pour la liberté. Si on veut faire des maisons, s'il y a des gays qui veulent être ensemble, pourquoi ne pas les laisser être ensemble? Pourquoi pas? C'est-à-dire que favorisons l'émergence de lieux divers. Le slogan de Gay Pride, c'est que, quelles que soient nos orientations, enfin l'orientation sexuelle et l'identité de genre, n'ont pas d'âge. Et acceptons nos diversités. C'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'on est tous différents. Et on a envie, vous comme moi, bien, on a des affinités, on a des amis, on s'imagine partir en vacances avec certains, pas avec d'autres. Eh bien, c'est pareil. On peut s'imaginer, non, moi, je préfère vivre seul quand je serai vieille ou quand je suis vieux. Plutôt, j'ai envie de faire un projet avec ce garçon, avec cette fille qui sont des amis. Ah non, je veux que des filles. Mais laissons le choix à chacun. Pourquoi ce serait l'État qui devrait décider de l'endroit où on doit être, hein? L'égalité républicaine, aujourd'hui, elle ne marche pas. C'est des actes de violence, le placement. Il faut savoir ça. On regarde le fait qu'il y ait une place de libre. Bien, pour moi, c'est tout le contraire de ce que je souhaite. Essayons d'organiser les choses, de prévoir en avance. Et s'il y a des lieux gays, purement, et qu'il y a des gays qui ont envie d'être ensemble, qu'on le fasse. Moi, je serais plutôt... personnellement, plus ouvert sur des lieux hétéro-friendly avec des gens qui partagent mes valeurs, mais d'une façon peut-être plus générale, c'est tout. Je crois que il faut respecter le choix des individus au maximum. Aujourd'hui, on ne le respecte pas. C'est le constat que je fais, c'est tout. En quelle année vous avez fondé Gay Pride, Francis Carrier? Oh, c'est très récent. C'est en 2016. J'ai créé la structure en octobre 2016, mais ça fait maintenant 3-4 ans que je travaille sur ce sujet. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elles riment avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. C'était la vieillesse, l'âge des possibles. Réflexion faite, plus qu'on adopte, j'adopte. Avec Pierre, Gilbert Enesser, Serge Guérin, Lise Trève, Benoît Verdon, Jean-Paul Caracalla, Francis Carrier. Merci à Jonathan Varenne et Amélie Dor. Prise de son Laurent Macchietti, Arthur Gerbeau, Clémence Bonfils, Hélène Langlois. Mixage Cédric Châtelus et Claude Niort. Aujourd'hui nos fêtes, plus que sur fêtes, sont mortes. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. L'heure insupplate, m'alerte. Ça c'est facile. C'était La vieillesse, l'âge des possibles, un documentaire de Virginie Bleclenet et Clotilde Pivin. Je n'y suis pas disposée, cet entame m'étonne. Je suis pas disposé, ça m'étonne. Je n'y suis pas disposé, cette entame. Demain, fatigue des corps. Je n'y suis pas disposé, ça m'étonne. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter à l'EHPAD, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.